sing, sing. Quand tu chantes pour mon cœur, la lila, oh oh, ça me met de bonne humeur. Sing, sing, sing, sing. Quand je vois tes yeux briller, la lila, oh oh, tout devient ensoleillé. Quand on danse avec la vie, à 16 ans on est joli. Toi tu as de tout de trop, oh oh baby oh. Sing, sing, sing, sing. Quand tu viens pour m'embrasser, la lila, oh oh, les statues se mettent à danser. Sing, sing, la lila, oh oh, yeah yeah, oh oh, viens me chercher, go go go. Viens offrir ton petit cœur aux oiseaux de mon bonheur. Allegro pizzicato, oh oh baby oh. Sing, sing, sing, sing. Tout à coup, mais qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas, oh oh. Mais je sais que tu me plais. Je ne sais pas, oh oh. Mais je sais que tu me plais. Je ne sais pas, oh oh. Mais je sais que tu me plais.